cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, wa qad aqsama Allah subhanahu binafsihi al-karima anna la nu'min حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh la yazal yubayyin, il nous démontre l'importance de suivre an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit fi salat ou fi ghayriha. Wa huna yushir ila qawli Allah azza wa jal kama dhakara al-muhaqqiq fi al-hashiya. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية عظيمة. فلا وربك لا يؤمنون أي ne croiront pas حتى tant que, et ça c'est important مثل هذه الآية, لأن on espère tous être des مؤمنين et on fait tous des efforts في الإيمان. Et notre souhait à tous, wa nas'alu Allah azza wa jalla min fadlihi, c'est de mourir à l'iman. Fallah subhanahu wa ta'ala qala fala rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fī mā shajara baynahum. Fī mā shajara ay fī mā ḥaṣal. Ay ne croiront pas tant que ils reviendront pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam fī mā shajara baynahum ay fī mā ḥaṣal baynahum. Ay mathalan ana je dis telle chose c'est une sunna fi ṣ-ṣalāh. Anta tu dis là, ça c'est pas une sunna. Si on est des mu'minouns, on revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa anta, tu prétends que c'est une sunna, hâte d'alim. Qul hâtu burhanakum in kuntum sadiqin. Si t'es sadiq, fi da'wak, hâte d'alim. Cite-nous un dalil. Fa si l'akhi cite un dalil, et il appuie avec aqwal ahl al-ilm, on lui dit barakallahu fik. Si il n'a pas de dalil, on reste sur l'asr. Là, la base, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait. Walhamdulillah. Celui qui s'est trompé, a'tadir, et on revient tous au haq, walhamdulillah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. L'importance de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, indal khilaf. Mon avis passe pas avant le tien ne passe pas avant le mien. L'avis de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, il passe pas avant l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. L'avis de Cheikh Al-Albani, il passe pas avant l'avis de Cheikh Ibn Baz, alayhim rahmatullah. L'avis de l'imam Malik, il ne passe pas avant l'avis de l'imam Abu Hanifa. L'avis de l'imam Abu Hanifa, il ne passe pas avant l'avis de l'imam Ahmed. Là. فلهذا كان يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه رأي سفيان ومالك والشافعي وإسحاق كلهم سوا عندي. فتأملوا التربية السلفية الصحيحة. الإمام أحمد رحمة الله عليه ست إمام أهل السنة أصلا. فكان يقول لافي دو الامام مالك دو الامام سفيان الثوري دو الامام الشافعي دو اسحاق او دوت سي توس لو ميم عندي سي توس باري لماذا لان سي دي زيتر هومان اي بوف افوار ريزون اي بوف سي ترومبي. ثم كان يقول الحجه في الاثار لا بروف لا غيدي سي دون لي تيكست. هكذا نحن اون دو اتر باس كي ران فيريديك ان قول سي با لو ستاتو دان امام لا. Ahiyanan, tu as une mas'ala, tu as deux imams, un imam il a un niveau beaucoup plus élevé qu'un autre. Bil-ijma. Mathalan, tu as un avis de l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, et tu as un avis, mathalan, d'un savant contemporain. Chaque que l'imam Ahmed, il est arfa' manzila. Ça, c'est bilanizah, tout le monde reconnaît ça. Annahu, il est arfa' manzila, il est ahfad. Il connaît beaucoup plus de hadith ila akhiri, lakin on va rabjah le qawl du savant contemporain. Pourquoi les annas al-hujjah? Ça ne veut pas dire qu'il a plus de ilm là. En général, l'imam Ahmed, il aura beaucoup plus de possibilités de trouver le haq que ceux qui sont venus après lui. Lakin, dans une question donnée, fais attention. La tata'assab. La tata'assab, c'est bab al-halak, ayyadam billah. Wa man harafat al-yahoud wa al-nasara wa jami' ahl al-bid'a, illa à cause de ta'assab. Bel, imamu al-kafara. وإمام المجرمين إبليس إسأغاري أكوز دو التعصب. المخذول تعصب لجنسه خلقتني من نار وخلقته من طين. C'était ça sa réponse. Pourquoi il ne voulait pas faire ce jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Pourquoi il n'a pas fait ce jeûne? قال خلقتني من نار أنا خير منه. قال je suis meilleur que Adam. تعصب. Ta'assaba, l'ijinsi. Et son jins, il a été créé de feu. Enfin, il a pensé que le feu, c'est mieux que la terre. At-tin. Adam, il a été créé de terre. L'haraf. Normalement, il aurait dû se soumettre. Allah, il lui a ordonné, même si on qadr que Iblis, il était meilleur que Adam, Allah, il lui a ordonné, il aurait dû se prosterner. Mais Adam, il est meilleur que Iblis, et Iblis, il n'a pas voulu se soumettre. L'haraf. C'est quoi la cause? At-ta'assub. S'entêter. Il s'est entêté à son jins. Il a pensé qu'il était meilleur. Iyadam billah, il s'est égaré. Là. فَلِهَذَا نَحْنُ نَنْصَحْ دَائِمَنَ الْإِخْوَ عِنْدَ الْخِلَافِ. Ne prends pas position au départ si tu ne sais pas. Allahu a'lam, reste neutre et fais des recherches. أما البعض, ils prennent position dans une fitna, dans des masa'il. ثم, si le haq, ça s'avère que c'est autre que la position qu'il a choisie, c'est très dur de revenir pour celui qui manque de ikhlas. أما المخلص لا يبالي, même s'il s'est trompé, أما الملأ, il revient. لكن, on fait attention, on n'est pas à l'abri. فَلِهَذَا دَائِمَنْ, laisse un bœuf. Ne te précipite pas. فَإِذَا ظَهَرَ الْحَقْ بِدَلِيلِهِ وَبِحُجَّتِهِ, en revenant au savant. Un mawahid, il veut trouver le haq tout seul et il délasse à quoi l'ahl al-ilm. Ça c'est un autre égarement, yadam billah. قَالَ وَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَ أَنَّ لَا نُؤْمِنْ حَتَّى نُحَكِّمَ الرَّسُولِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَنَا وَنَنْقَاد لِحُكْمِهِ وَنُسَلِّمْ تَسْلِيمًا. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. المؤمن قوي الإيمان dans son صدر لا يجد حرج. الحرج c'est le ضيق. Il n'a pas une gêne. Au contraire, يفرح إذا تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما. أي il se soumet. سمعنا وأطعنا. L'essentiel pour hadhal mu'min as-salih, c'est de savoir ayna sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est okala, yartah, ay se soumet. Walaw takallama man takallam, walaw ta'ana man ta'an, walaw istahza'a man istahza', ça lui change rien. Limadha la'anna isak ila ala tariq an-naja. C'est pour ça que al-ulama kathir minhum compare sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam à safinatu nuh. Safinatu nuh, et le bateau de Nuh, il le compare à وجه الشبه, et la ressemblance, أن من ركب, من ركب, celui qui est à l'époque de Nuh, qui est monté sur le bateau, il a été sauvé. وهكذا من ركب السنة نجا, celui qui suit la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sera sauvé. قال فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له ولا ينجينا من عذاب الله ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. Et cette question elle est nafia جدا. Et Allah سبحانه وتعالى il l'a cité في القرآن. فتدبر هذه الآية وتأمل. ماذا أجبتم المرسلين. Et qu'est-ce que vous avez répondu à la da'wa des messagers. Est-ce que vous avez obéi et suivi? Amma, yawm al-qiyamah, tu ne seras jamais interrogé est-ce que tu as suivi tel imam ou tel imam. Tu seras interrogé est-ce que tu as suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et même le suivi de tel shir ou revenir à tel shir, comme on l'a dit, c'est par rapport à sunnah. Fata'ammal hada as-su'al. Fala yanfa'una at-tahkim ghayrihi wal-inqiyad lahu. Ça ne te sera d'aucune utilité de suivre tel shir s'il s'est trompé. Le shir, comme on l'a dit, c'est un savant de la sunnah. Alhamdulillah, il est récompensé pour son effort. Yawm al-qiyamah, il a un il a fait un effort, il voulait le haq. Amma celui qui suit aveuglément, mada satakoul yawm al-qiyamah. Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait pourquoi tu as suivi. Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est par entêtement? Ayyadam billah. Qala, wala yunajjina min adabillah. Ça ne sauvera pas quiconque at-taqlid min adabillah. Ce qui sauve min adabillah, c'est al-istislam lillah. ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est ça qui sauve min adab illah. أما البشر أبدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. قال ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين فإنه لابد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب فأعد لهذا السؤال جوابا أخي الكريم من اليوم. On est tous convaincus, ولله الحمد, le verset il est في القرآن في سورة القصص, أن الله nous interrogera tous عن هذا السؤال. ماذا أجبتم المرسلين. بعض الناس الآن Obama, il a, on est en période d'examen, certaines questions, ou comme on a déjà cité en exemple, une affaire au tribunal ou autre, il se prépare à répondre à des questions. Pourtant, c'est quelque chose de tenir, quelque chose qui passera. Et on passera tous par cet examen. Et la question de cet examen, ماذا أجبتم المرسلين? Et celui qui se pose cette question, maintenant, ça y est, je suis où par rapport à sunnat al Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Que ce soit fil aqida ou fil tawhid, awalan, thumma fil salat, thumma fil siyam, fil zakat, fil hajj, toutes les ibadat, aina ana par rapport à sunnat al Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que j'adore Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et est-ce que je fais des efforts pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ça ne veut pas dire qu'on atteindra le niveau de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma'adallah. Là. Lakin faire des efforts. Et din il est yusuf. Mathalan wahad, iyadam billah, il rajoute une raka'a fil salat. Est-ce que hada, il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là. Enfin, on se contente de faire le salat comme il a fait. Alayhi salat. Ben, il y a une autre question, fil haqiqa. Deux questions qui seront posées à chaque être humain yawm al-qiyam. Qala Qatada rahmatullah alayhi kama naqalahu Ibn al-Qayyim fi al-risala al-tabukiyya, c'est une risala nafi'a kadalik de cet imam, l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a rapporté la parole de l'imam Qatada. Qala kalimatan yus'alu anha al-awwalun wal-akhirun. Deux kalimats, deux questions, elles seront posées à tous les êtres humains. Al-awwalun, les premiers et les derniers. Qala, ماذا كنتم تعبدون? C'est la première. ماذا كنتم تعبدون? Hay, ishara ila qawli Allah azza wa jal. Qala, afara'aytum ma kuntum ta'budun? Sourate al-shu'ara. Donc ça, c'est la première question. Al-tawhid. La deuxième, وَمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ أي c'est cette question qu'il a cité l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah. قال l'imam ibn al-Qayyim après avoir cité la parole de l'imam Qatada, وَهَاتَانْ الْكَلِمَتَانْ هُمَا مَظْمُونَ الشَّهَدَتَيْنَ. C'est l'explication des deux shahadas. La réponse. مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ أو قبل هذا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أي tu en était où avec Ibadatullah Azza wa Jal? Est-ce que tu as adoré Allah seul? Celui qui aura la bonne réponse, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ وَحَدَ اللَّهِ. Il a adoré Allah seul. مَا عَبَدَ وَلِيًّا وَلَا قَبْرًا وَلَا مَيِّتًا وَلَا شَجَرًا وَلَا مَخْلُوقًا. Sa ibadah, c'était khas lillah. Alhamdulillah, il a répondu à la première question. Et fil haqiqa, c'est ma'na la ilaha illallah. Et la ma'bouda haqqun illallah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Deuxième question, ماذا أجبتم المرسلين? La bonne réponse, c'est l'explication de la shahada Muhammadun Rasulullah. Et on doit suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, chacun de nous, on doit se rappeler mitlahad. On sera interrogé, on ne doit pas vivre كلا الحيوانات عيدا بالله. On mange, on se marie, on travaille, et qu'on ne rendra pas de compte. On a déjà cité plusieurs fois l'exemple. Si on doit rendre des comptes demain, fit dunya, au tribunal ou autre, on va tout faire pour s'en sortir. Amma al-an, c'est Jannah ou Nar. Al-an, ça sera al-khuld, l'éternité. Al-adhab, il est shadid, yawm al-qiyamah. La yatahammal al-insa. Wa la yanfa' la sabr wa la shay. Ces questions, celui qui se les pose, al-an, et il fait des efforts. Fais des efforts, fit tawhid, et fais des efforts, fit tiba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui te sauvera. C'est pour ça que tous les hadiths qui démontrent, fadl la ilaha illallah, fadl la shahadatayn, c'est avec cette compréhension et avec l'amal. Adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et suivre al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, فإنه لابد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Deux catégories de personnes qui seront suivies, qui seront questionnées, أقصد. الذين أرسل إليهم, أي ceux à qui le prophète صلى الله عليه وسلم a été envoyé, أي الأمة, c'est-à-dire nous. On sera questionné par rapport à notre suivi. ماذا أجبتم المرسلين? Est-ce que vous avez suivi ce prophète, alayhi salatu wa salam? Deuxième genre de catégorie qui vont être interrogés, c'est les prophètes, les messagers eux-mêmes. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Est-ce qu'ils ont propagé le message ? وَلَا شَكَّ أَنَّ. Tous les prophètes, tous les messagers, ils ont propagé. بَلَّغُ الرِّسَالَ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Donne du temps à ce genre de questions, أَخِي الْكَرِيمُ. Et cherche la réponse. L'un, s'il y a un manquement, نَقْصٌ فِي الْجَوَابِ ضَعْفٌ فِي الْعَمَلِ ضَعْفٌ فِي الْاتِّبَاعِ وَلِقْتِدَى بِنَبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Alhamdulillah, c'est pas trop tard. التوبة باب التوبة اللي مفتوح. Celui qui fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala, تواب كريم خاصة في هذه العشر. C'est un باب طيب pour faire des efforts et inshallah continuer après le mois de Ramadan. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بتفتنون وعني تسألون يعني المسألة يعني المسألة في القبر. فمن انتهت إليه سنة الرسول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيريد يوم القيامة ويعلم. Ça c'est un tambih de l'imam Ibn al-Qayyim. Celui qui a eu connaissance de sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il la délaisse. Mais celui qui ne sait pas miskin, n'a pas les moyens d'apprendre, c'est autre chose. Il fait des efforts et s'il est conseillé, il écoute. Amma al-mu'anid al-mu'arid. Il sait. Lakin se détourne. قال Ibn al-Qayyim wa taraka li qawl ahadin min an-nas. Ça ne sera pas utile. Même si c'est un imam, même si c'est wahid qui a du fadl. قال فسيريد يوم القيامة ويعلم أي يوم القيامة سيقوم أمام الله عز وجل يعلم أي سوء أي سوء على gravité de ses actes. فلهذا قال الله عز وجل كما في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ظالم, il n'a pas voulu suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'a suivi un autre. Yawm al-qiyama, il regrettera. Wa yawma ya'uddu al-zalimu ala yadayhi. Al-zalim, c'est l'injuste. Et la pire des injustices, c'est shirk, ne pas adorer Allah. Kadhalik, une des pires injustices, c'est de délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre un autre. Il y en a celui qui mérite d'être suivi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah azza wa jalla. Enfin, celui qui adore autre qu'Allah, ou qui suit autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un zalim. Il est injuste. Et yawm al-qiyama, il regrettera. Wa yawma ya'uddu al-zalimu ala yadayhi. Se mordra les doigts. Limada, yaqul, ya laytani takhadtu ma'a rasouli sabila. Et j'ai suivi une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fal bid'a, y'a aucune faïda. Mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est source de regret fi dunya wal akhirah. Fal yahdhar al-insan. Et il fait attention à ce que sa salat elle soit fondée sur les textes, le Coran ou la Sunna. Et on revient, pour tout ça, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. L'étude de Sifat al-Salat de Cheikh al-Albani, ou d'autres, de Cheikh al-Uthaymin ou Cheikh al-Baz, qu'a-t-il mis à l'ulama, ils ont écrit fait al-Bab, al-Muhim, un savant de la Sunna, on peut même un mois, aqal, akthar, deux mois, walillahi alhamd, insan, il est à la khayr. Il prend des notes. Et au départ, الَّذِينَ تَعَوَّدُوا, ceux qui se sont habitués, ça fait longtemps qu'ils font salat d'une façon, ربما s'ils étudient صفات الصلاة, qui est fondée sur l'ahadith ou autre, ربما ils trouveront des... La shaykh anahum, ils faisaient des erreurs ou des manquements. Enfin, au départ, ça va être difficile, il y en a l'insan, il s'est habitué. لكن أولا, tu apprends, ثم tu mets en pratique, قليلا قليلا. قال فصل المشهد الرابع مشهد الإحسان. On revient au cœur. لِأَنَّ الْأَعْمَالِ دَائِمًا, c'est soit أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ, avec des œuvres apparentes avec les membres, et ces œuvres apparentes, لَا بُدْ مِنْ نِيَّةِ. لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ, ils ont fait le salat, بَعْضُهُمْ ils ont fait le hajj, بَعْضُهُمْ ils ont fait le jihad, بَعْضُهُمْ ils ont fait, لَكِنْ des أَعْمَالِ بِلَا رُوحِ. Leurs œuvres, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas d'ikhlas, il n'y avait pas de sitr. فلهذا ابن القيم رحمه الله عليه, il insiste beaucoup sur les œuvres du cœur. المشهد الثالث, il a démontré كذلك, ne pas négliger les actes des membres, et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce point, on revient au cœur. مشهد الإحسان. قال وهو مشهد المراقبة. الإحسان كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est ça l'ihsan. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Et si on ne le voit pas, lui, il nous voit azza wa jal. فلهذا قال وهو مشهد المراقبة. المراقبة c'est que tu saches علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يراك ويسمعك عز وجل ويعلم ما في قلبك. فلهذا الله سبحانه وتعالى الرقيب، من أسمائه عز وجل الرقيب. قال عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. فأنت تمراقب، أي الله يتفوع يتنطن يسيس كتو بونس. فلا شك أن المسلم هذا الحال سوف يبوسي أفير دي زفر. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه أي en explication du nom الرقيب parmi les noms d'Allah، قال أي مراقبا للأمور وعالما بما إليه تؤول. أي الله سبحانه وتعالى il sait tout ce qui se passe et il connaît l'avenir et il connaît l'état de l'insan. قال وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام. Et celui qui gère tout عز وجل. فالسلوي كي أسد عقيدة كي كن لنون الله سبحانه وتعالى parmi ses noms الرقيب. Et il sait que Allah il le voit, Allah il l'entend, Allah il sait ce qu'il y a dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala wakala malakain, un ta droite, un ta gauche, deux malak yaktubun, yaktubun jami' af'alik. فالإنسان il est مراقب. فهذا celui qui se rappelle de هذا فلا شك أنه il va faire attention. في الدنيا أحيانا si واحد il te regarde tu fais attention. Et la haqiqa, fi l'ibada, ça ne doit pas nous changer. Il y a l'ibada, c'est haqqun lillah. Lakin, si on sort du domaine de l'ibada, certaines choses, si wahid te regarde, tu vas rubbama t'appliquer dans certaines choses. Ça arrive beaucoup au travail, hada. Wahid il est au travail, et rubbama il est surveillé dans son travail. Est-ce qu'il travaille bien? Enfin, il va faire attention, il va faire des efforts, il a akhiri. Fa'alam anna yawmiyan, laylan wa naharan, fi jami' al-lahadat, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit et il t'entend. قال وهو مشهد المراقبة وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى فوق سماواته. هذه الدرجة العالية والمنزلة العظيمة أي منزلة الإحسان من كمال الإيمان. C'est pour ceux qui ont al-iman al-qawi. Et pour avoir al-iman al-qawi, il faut faire des efforts fi hadha al-ilm al-azim, ilm asma illah wa sifatih. Lien celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala haqq al-ma'rifa, ça va lui faire monter son iman. On a cité un exemple bil-raqib. Fala shakana, ça fait monter l'iman. Ma balouk tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fali hadha min al-muhim. Si tu veux faire des efforts fi al-ibada, que ce soit salat ou autre, deux façons. La ibada elle-même fait des efforts. Mathalan, as-salah fait des efforts pour apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait salat, comme on a cité auparavant et dans le dars précédent. Kadhalik, et c'est valable pour toutes les ibadat, si tu veux apprendre le hajj, tu apprends sifat ou manasik le hajj, si tu veux apprendre comment sortir zakat, il akhir. Deuxième point, et c'est valable kadhalik pour toutes les ibadat, apprends les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Tu verras que ça va te changer ta ibada. Limadha li anna tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms et des attributs. Tu verras que ça changera tout. Celui qui, quand il se lève, fi salati, qalbuhu yataharrak imanan wa ilman, annahu mathalan, quand il est debout, il va faire takbiratul ihram, il sait que Allah il le voit, Allah il l'entend, Allah il sait ce qu'il y a dans son cœur. La chaque ça va changer sa salat. Falihadha ba'd an-nas, si واحد il les regarde, ils améliorent leur salat. الرياء عيادا بالله. المؤمن الصالح il améliore sa salat دائما وابدا, qu'il soit en public ou tout seul, لأن الله il le voit. Et celui qui le voit, et Allah عز وجل, c'est lui qui le récompensera. Ama ce bachar qui te regarde, il peut rien te donner, rien t'enlever. C'est ça la différence entre عبادة الصالحين et عبادة الغافلين. قال حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة كأنه إذ والله سبحانه وتعالى. قوة الإيمان. قال مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. لا شك أن celui qui a cette عقيدة لا شك أنه يفرض الزفاق في العبادة أن الله il le voit أنه il devra rendre des comptes أنه un jour il sera interrogé sur ses أعمال أنه s'il ne fait pas le risque d'être châtié أنه s'il fait فبإذن الله عز وجل il sera récompensé. اسم الكريم اسم الرحمن اسم الرحيم أنه يبقى تخشاتي اسم العزيز اسم الجبار اسم العزيز توسع سغل عبادة الإنسان. قال فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب. Ça, c'est quelques exemples que l'imam Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, il a cité. Si tu sais que Allah c'est Samir, il y a chaque, tu vas faire des efforts fi salatik wa fi ghayriha. Lian Allah, il entend. Si tu sais que Allah c'est le basir, il voit, il y a chaque que tu vas faire des efforts fi salatik wa fi ghayriha. Kadhalik, as-sifat, an Allah subhanahu wa ta'ala yubghid. Famin sifat Allah azza wa jal, al-bughd, an Allah il déteste certaines choses. فمثلا الله سبحانه وتعالى يدتس سكي غطعب للصلاة دلوغ شكنا السلوي كي هذا الإيمان وهذا اليقين يفا فير attention سي غطعب صلاة sans excuse il sait que ça peut mettre en colère الله صفة الغضب et الله يدتس cette chose صفة البغض. كذلك المحبة والرضا يحب ويرضى الله سبحانه وتعالى يحب التوابين والمتطهري الله إلّا ceux qui font l'eau d'eau pour le salat et ceux qui se purifient عموما et s'englobent الطهارة للصلاة والغسل etc. Est-ce que مثل هذا il va délaisser le salat? لا, il sait que quand il fait l'eau d'eau الله سبحانه وتعالى إلّا هذا الفعل et إلّا ceux qui font هذا. كذلك أن الله يرضى الله il est satisfait et إلّا المصلين. Ça te montre أن أن ce qui aide à parfaire l'ibada, c'est هذا العلم النافع. قال ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه وهو القاهر فوق عباده عز وجل. Et dans plusieurs versets في القرآن الكريم ثم استوى على العرش أأمنتم من في السماء. الله سبحانه وتعالى il est فوق عرشه et il est مع العباد بعلمه معية عامة إلى مع جميع العباد أي معية علم أن الله voit il sait tout il entend tout le monde فإلى معهم معية خاصة بالمؤمنين الصالحين أنهم إلى معهم أي ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم ويوفقهم عز وجل. Tout ça c'est quoi صفة المعية أن الله إلى معنا وهو معكم أينما كنتم. Ne pas comprendre من هذه الآية comme ils ont compris بعض الضلال الجهال أن الله إلي معنا أي إلي أمي دو سا كرياتور أبدا لأن الله إلي أدسو دو سون ترون عز وجل إلي أدسو دو لا كرياتور العرش أعلى المخلوقات الله إلي أدسو دو ترون سبحانه وتعالى أي إلي معنا إلي أفيك نو أي بعلمه وبسمعه وبصره وكذلك يؤيد وينصر المؤمنين عز وجل. قال لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلهذا pour t'écarter des معاصي أخي الكريم et des مخالفات la meilleure solution bien sûr avec الدعاء وطلب العون من الله سبحانه وتعالى fait des efforts في هذا العلم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عز وجل. خائنة الأعين un simple regard, un regard très rapide. خائنة الأعين ça vient de خائن أي Bisura, tu regardes du haram et tu délaisses, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Cette haraka, l'œil très rapide, ce regard, Allah ya'lam. Bel, le fait que tu as pensé à vouloir faire le haram, Allah ya'lam. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Allah, il a tout décrété avant d'avoir créé les cieux et la terre. Bi khamsin alf sana, comme a fait hadith Amr, radiyallahu anhu. قال ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه يوجب الحياء أو فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله مشهد الإحسان أي celui qui sait en Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il l'entend. Il sait, il est convaincu en Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît sa situation, il sait ce qu'il y a dans son cœur. La shak an hadha, ça va impliquer al-haya. Hadha al-muslim, il va avoir de la haya. Et il fera tout pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Limaza li anna Allah, il le voit. Allah, il l'a créé, il lui a donné, il l'a guidé. Razaqahu min al-tayyibat ila akhirih, thumma yukhalif amrah. Alors que Allah il le voit, ça y est, stahli. Il aura de la pudeur. Et cette pudeur, elle va l'empêcher de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu que l'insan, il n'est pas ma'asoum, il peut faiblir et glisser. Hadha al-haya va le pousser à faire tawba. S'il s'est trompé, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, cette pudeur, elle va lui permettre de revenir. Wal ijlal kadhalik. Al-ijlal, c'est al-ihtiram. Il va respecter din Allah. Il va respecter Awamir Allah, il va se respecter Ibad Allah par rapport au din. Et كذلك, il va rabaisser par rapport au din. Aïe, indah al-kafir, wal-mulhid, wal-mujrim, wal-mubtadi', ils n'ont pas de valeur indah. Les malades, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal-ta'zim, wal-khashya, wal-mahabba, wal-inaba, ila akhirah. Tout ça, fil haqiqa, la source, c'est l'ihsan. فالإحسان يبدوني دي ثمرات طيبة pour le mu'min. قال ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله. Prends l'exemple de الوساوس. بعض الناس عندهم وساوس. مثلا ils vont refaire l'eau plusieurs fois, ils vont refaire salat plusieurs fois, ils sont jamais sur deux. بعضهم عيادا بالله ils ont قنوت من رحمة الله عز وجل. تسلط عليهم إبليس. فالسلوي qui fait des efforts, fait l'iman, et il apprend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, il atteint hadith daraja, darajatul ihsan, il sait que Allah il sait ce qu'il y a dans son cœur, et Allah il est karim. Si tu as fait l'audou, walillahi alhamd, akhi, pas besoin de refaire, pardon, ils ont des waswas, lakin je ne sais pas si j'ai mis l'intention. Taqillah fi nafsik, cette eau que tu as préparée, ce déplacement, c'est ça l'intention. Pardon, ils ont fini, thumma, ils refont. Wasawas. Celui qui a cette daraja, darajatul ihsan, ça va lui écarter. Husnu dhan billah, Allah il est karim. Tu as fait l'oudou, alhamdulillah, tu as fait salat, pas besoin de refaire. Allah il est karim, tu es parti au masjid. Pour te rapprocher d'Allah, tu as fait cette salat, alhamdulillah, ta salat elle est acceptée, inshallah. Fais des efforts, sois sincère et fais des efforts, fais l'ilm. Amma al-wasawis min iblis, pour égarer la personne. Hatta il a une mauvaise pensée. سُعُ الظَّنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ كَذَلِكِ فِي فِي دِفَرْ مَعَ الْعِلْمِ بعضهم تعلمون أن البعض للأسف بعض المسلمين شفاهم الله ربما يغفون لوضو 5, 6 فوا 7 فوا بعضهم يغفون لوضو يغفون صلاة حتى يخرج الوقت ثم لغة لباسي ثم إلى أن ضيق في قلبه ثم يصن فو إيه سيبا بون بوركوا إسك الله لو أنبوزي هذا لا يكلف الله نفسا إلى وسعها. Il connaîtrait Ism al-Wadud, ou al-Karim, ou al-Rafiq. Allah, il est Rafiq, bi'ibad. Rafiq, c'est sifatul rifq, la douceur. Allah, il n'impose pas à ses ibadah. Tu as fait l'eau d'eau, alhamdulillah. L'eau, elle a touché tous tes membres. Pas besoin d'exagérer. Pardon, mais est-ce que l'eau, elle a touché tous mes membres? Fais passer l'eau dans tous tes membres, ya akhi. Alhamdulillah, t'as un aql. Amma, shaytan, la mayata salat ala wahid, c'est très très dangereux. Et ceux qui ont des wasawis, ils font des efforts, ils repoussent les. Et tawakkal ala Allah, et tu verras que, bi'idnillahi azza wa jal, tu délaisseras. Et sache que c'est du char. Vu que ça te fait du mal, c'est du char. Si ça serait du bien, ça te ferait pas autant de mal. Qala, fa haddul abd min al-qurbi min Allah, على قدر حظه من مقام الإحسان. plus الإنسان il a fait des efforts في الإحسان plus il se rapprochera d'Allah سبحانه وتعالى. لأن الإحسان سأعلى مراتب الدين كما في حديث عمر رضي الله عنه قصة جبريل. ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. c'est le troisième niveau et c'est le plus. قال وبحسبه تتفاوت الصلاة. C'est quoi qui différencie entre les salats? On avait cité معكم حديث عمار بن ياسر أن بعضهم ils ont un dixième, بعضهم un neuvième, بعضهم le quart. C'est quoi la différence? C'est l'ihsan. Celui qui a l'ihsan, la shak, il sera beaucoup plus concentré et son iman il sera plus qawi, sa sincérité elle sera plus forte qu'un autre. قال وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين الصلاة بين الصلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. Et on a cité هذه المسألة dans un درس précédent. La même صلاة, le même rang, le même masjid, un à côté de l'autre, le même ركوع, le même قيام, le même سجود. La même durée, les anormis font salat derrière l'imam par exemple. Tu trouves les deux salats, la différence c'est comme ma bayna sama et wal ard. Elles sont incomparables. Pourtant c'est la même durée, c'est les mêmes gestes. C'est quoi la différence? C'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est al-ihsan. Wahed, c'est un muhsin. Il a fait des efforts. Il a fait des efforts dans l'étude de l'aqidah, des noms d'Allah, des attributs d'Allah. Il a appris comment faire salat. Il fait dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala shakurun. واحد كيف des efforts il l'élève يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. Allah il est fort et il l'élève, et la cause c'est les efforts في العلم. واحد aucun effort, ces efforts c'est في الدنيا ليل نهار. الصلاة ça vient en après, pas de d'effort dans la compréhension comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et le cœur, il est occupé toute la journée par Ad-Dunya. Et Salat, elle passe en second plan. Obama, comme on avait expliqué, il rattrape les Salat à la fin. Obama, il vient au Masjid et il est pressé que ça s'arrête. Aucune concentration. Est-ce que sa Salat, elle va être comparable avec celui qui fait des efforts? La. La tuhrim nafsak. La tuhrim nafsak. L'anna yawm al-qiyama, les œuvres elles seront pesées. Et cette Salat, l'an, qui est fondée sur Ikhlas, wa mutaba'a, wa sidq, وإحسان بإذن الله البزرة لور يوم القيامة. et c'est ça qu'on a besoin نحن. أما إن صلاة كيبا أكسبتي فماذا ستستفيد منها؟ نعم. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في المراقبة dans son livre مدارج السالكين. il a cité منزلة المراقبة. ce livre il cite رحمة الله عليه plusieurs points liés قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. أي سد عبادات الإخلاص والصدق والتوبة. أي لسد المراقبة. قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. c'est une branche de العبادة المراقبة. قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ce verset il est جميل. وَعْلَمُوا أي sachez أن الله يعلم ما في أنفسكم. c'est ça le muraqaba. أي الله il sait ce qu'on pense, ce qu'on compte faire, ce qu'on a fait, il sait tout. عز وجل قال سبحانه وتعالى pour te montrer أنه il sait tout ثم il te met en garde. فَحْذَرُوه أي fais attention. fais attention de quoi? fais attention sur quoi tu vas mourir. si tu fais pas attention ربما tu te laisses aller. Et عياذا بالله الانسان يموت على غير الاسلام او على غير السنه او على الشر. فاحذروه. pourquoi? لان il y aura des comptes, ça commencera في القبر. les questions. ثم في القبر. اما châtiment, اما النعيم. récompense, délice. ثم يوم القيامه. فاحذروه. يوم القيامه. tu sais pas. est-ce que tu vas prendre ton livre باليمين او بالشمال. ثم في الصراط. فاحذروه. الموفق celui qui faisait des efforts فيمر كالبرق. البرق c'est l'éclair. بعضهم comme un clin d'œil, بعضهم comme le vent, بعضهم comme un cheval, بعضهم en courant, بعضهم en marchant, بعضهم en rampant. بعضهم عياذا بالله يتم في النار. الكفار يسون في النار عياذا بالله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. الله يسيت toutes choses Allah subhanahu wa ta'ala il la voit, il l'entend et il connaît. قال وقال تعالى وهو معكم اينما كنتم. Et on l'a cité ce verset, sifatul ma'iyya, ان الله il est معنا où qu'on soit. T'es tout seul, t'es avec du monde, t'es la journée, la nuit, t'es dans l'endroit reculé, Allah il est ma'ak, où que tu sois. Aïe, il te voit et il t'entend et ya'lam kulla shay. Qala ya'lam kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ce verset il l'a cité l'imam Ibn al-Qayyim. Il a ghayr dhalik min al-ayat. Qala al-muraqaba. Il explique l'an c'est quoi al-muraqaba. Dawamu 'ilm al-'abd wa tayaqqunihi wa ittila' al-haqq subhanahu wa ta'ala 'ala adh-dhahirihi wa batinihi. Ta'ammal qawluhu dawam al-'abd. Vous connaissez le mot da'iman. Al-dawam c'est toujours. Ay al-'abd il est à la yaqin, il est à la ilm, an Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit toujours et il l'entend daiman. Qala ala dhahirihi wa batini. Que ce soit tes œuvres apparentes ou cachées. Enfin, celui qui parle sur les gens, matalan, ba'd an-nas ibtulu bihada, ghiba wa namima. Et ce frère ou cette sœur qui est critiquée alors qu'elle n'est pas présente. Celui qui connaît hada al-ism al-raqib et connaît al-muraqaba, il doit faire attention. Allah il entend et il voit. Et yawm al-qiyamah des comptes. فلهذا الانسان في الحقيقه si se rappelle de hada, même si l'insan il est pas là, il s'était. Il dit astaghfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous entend. قال فاستدامته لهذا العلم واليقين وهي المراقبه. C'est ça المراقبه. Et tu es à la yaqin en Allah il te voit, il t'entend. وهي ثمره علمه بان الله سبحانه رقيب عليه ناظر اليه. ناظر إليه سامع لقوله. Le fruit de cette croyance est qu'Allah nous voit, Allah nous entend, Allah sait tout. C'est quoi le fruit? C'est le muraqaba. Tu sauras que Allah il te voit, il t'entend, fait tu feras attention. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. هذا كلام جميل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين. Et alhamdoulilah, on a fini al-mashhad al-rabi' et le prochain dars, bi-idhnillahi azza wa jal, on essaiera de faire al-fasl al-mashhad al-khamis wa al-sadis, thumma, il restera un cours, on essaiera de le faire. Si on arrive à finir dimanche, fatayyib. Naktafi bihada, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.